je sais que j'étais seul à y croire, qu'on est seul tout le temps, seul tout le temps. Maintenant je sais que ce n'était qu'un reflet qui faisait briller tes yeux, briller tes yeux. Maintenant je sais que tu ne m'as jamais aimé, que tu t'es juste enivré de mon amour fou. Maintenant je sais qu'il faut retendre les voiles et s'éclabousser d'azur, éclabousser d'azur. Maintenant je sais qu'il y a de beaux avenirs, je sais que tout va bien, tout va bien. Maintenant je sais que tu ne m'as jamais aimé, que tu t'es juste enivré de mon amour fou. Maintenant je sais apprécier les beaux souvenirs sans vouloir y revenir, y revenir.